Mais oui, bien sûr. Je le savais. Eureka. Si j'ai vu plus loin, c'est en montant sur les épaules des géants. Ainsi parlait Isaac Newton, celui par qui les principes de la gravitation universelle ont trouvé leur explication. Il ne s'agit pas là d'un simple hommage de la part du savant anglais. Il a bien fallu plus de 1000 ans et que des grands noms comme Aristote, Copernic, Kepler ou Galilée s'attellent à ce problème pour comprendre les principes qui régissent la chute des corps. Cette découverte de la gravitation universelle est l'une des plus grandes révolutions scientifiques de l'histoire. C'est donc en chute libre et heureuse que nous ferons ce voyage ensemble aujourd'hui. Gravitation, tomber pour elle, c'est le programme attractif qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans Eureka. Et pour parler de cette découverte de la gravitation, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Sébastien Charnoz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'astrophysique à l'Université de Paris et à l'Institut de physique du Globe de Paris. Et nous sommes en compagnie également de Gabriel Chardin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes physicien, directeur de recherche CNRS au laboratoire Astroparticules et Cosmologie à l'Université de Paris. Et vous êtes l'auteur de L'insoutenable gravité de l'univers, paru aux éditions du Pommier. Alors, on va plonger dans cette histoire passionnante de la découverte de la gravitation. Et pour commencer, je vous propose d'écouter cette archive de Gaston Bachelard qui nous parle d'Aristote. C'était en 1954. Quand un corps lourd tombe, il rejoint dans la physique d'Aristote son lieu naturel, la surface de la Terre où reposent tous les corps lourds. Quand une fumée monte vers le ciel, elle rejoint elle aussi son lieu naturel, le ciel des corps légers. Les phénomènes de la gravitation, qui seront expliqués par Galilée et Newton comme des phénomènes à un seul pôle d'attraction, sont expliqués par Aristote comme des phénomènes, pourrait-on dire, à deux pôles. Chaque corps simple, pourvu qu'il n'en soit pas empêché, se meut dans une direction bien déterminée, soit vers le haut, soit vers le bas. Gaston Bachelard, reconnaissable entre mille, Sébastien Charnoz. Alors Aristote, c'est le premier à penser et à questionner cette question de la gravité. De vous à moi, je suis pas sûr en fait que vraiment Aristote ait vraiment introduit vraiment le concept de gravité. Simplement, ce qu'il faut bien voir, c'est que... la question première, c'est une question en fait qui est toute simple, mais qui est tellement fondamentale. C'est une question que pourrait poser un enfant. C'est la question en fait du mouvement des corps. Qu'est-ce qui explique le mouvement des corps et qu'est-ce que c'est qu'un corps en mouvement? Qu'est-ce qui fait qu'un corps parfois semble accélérer, semble s'arrêter? Et à l'époque d'Aristote, l'idée même de gravité, au fond, la notion de gravité, c'est une idée très moderne. Alors aujourd'hui, n'importe quel étudiant qui va au lycée, quand on voit, son téléphone portable tomber, se dit tiens, c'est l'action de la gravité parce que c'est ce qu'on lui a appris. Mais à l'époque d'Aristote, on n'en a aucune idée. Même l'idée même de gravité n'existe pas. La question qui se pose, c'est comment décrire un corps qui se déplace et comment prévoir en fait le déplacement des corps. Voilà, c'était aussi il y a aussi des questions militaires derrière parce que donc nos amis les Grecs qui passaient leur temps à se bagarrer les uns contre les autres avaient déjà fait de la balistique et donc il fallait prévoir tout ça. Et donc ce que propose Aristote en fait c'est une sorte de modèle, mais en fait c'est le cœur de la démarche scientifique, c'est de proposer des modèles qui va expliquer on va dire cette espèce de propension naturelle des corps à se déplacer soit dans un sens soit dans un autre. Voilà. Donc les corps qui sont faits de terre, ils ont envie de retourner dans leur sphère originale qui est la terre, donc ils vont par terre. Et puis les corps tels que la fumée, dont la nature c'est plutôt de l'air. Ce que propose Aristote, c'est l'idée, c'est que tous les corps ont envie, une espèce d'envie spontanée de retourner dans la sphère originelle. Donc les corps type fumée, aérien, vont dans l'air, etc., etc. Voilà. Gabriel Chardin, Aristote et la gravité, est-ce que c'est lui, d'une certaine façon, même s'il n'emploie pas le mot gravité, qui pose les fondements de la réflexion autour de cette question? Il essaye d'organiser les choses à partir d'éléments primaires. Et puis, il y a un autre aspect qui est, à mon avis, fondamental, c'est qu'il y a quand même le ciel et la terre. C'est-à-dire qu'il y a deux mondes qui ont, a priori, on n'imagine même pas qu'ils aient les mêmes lois. Mmh. On parlera de Newton après. Newton, c'est un peu que sur la terre comme au ciel, et pour la première fois, c'est-à-dire on va rassembler les deux. Et là, donc, on a une sorte de monde parfait, ou de plus en plus parfait quand on s'éloigne de la terre. Celui vers lequel, effectivement, les objets montent, les sphères parfaites. On pense, par exemple, on n'a pas vu les taches solaires. On ne parle pas du tout des taches solaires. On voit le soleil comme un objet parfait, effectivement. Et la Lune aussi, d'ailleurs. On n'a pas vu encore les... C'est-à-dire que tout ce qui est en dessous de la Lune, donc la Terre, n'est pas régi par les mêmes lois que les planètes qu'on observe lointainement. Oui, tout à fait. Ouais. Et oui. Donc... Ouais, ah, pardon. Vas-y. Sébastien Charles. Non, mais... Alors, effectivement, là, on parlait du mouvement des corps à la surface de la Terre, mais effectivement, comme le dit Gabriel, vraiment, un des héritages d'Aristote, c'est cette vision de l'univers, en fait, cette espèce de cosmogonie, d'organisation de l'univers à grande échelle, avec au centre un monde corruptible, imparfait, qui est le monde terrestre, qu'il appelle, il me semble qu'il appelle ça le monde sublunaire. Et ensuite, au-delà de la Lune, on a un monde, on va dire, semi-parfait, si je puis dire, qui est quand même le corps des, l'ensemble des planètes qui se déplacent, qui ont des mouvements circulaires, donc dans tout un système qu'ensuite Ptolémée va donner une description assez précise. Et puis, dans le monde absolument parfait, c'est le monde des étoiles qu'il imagine est sur une sphère fixe. Voilà. Et donc, la grande idée force, mais qui finalement s'avérera fausse avec notre vision moderne, c'est que, comme tu dis, effectivement, il y a des lois différentes qui s'appliquent à ces différentes régions de l'univers. Et c'est ça, une des idées forces d'Aristote. Voilà. Il y a une autre question que se pose Aristote, qui n'est pas une question évidente, c'est la question de l'accélération de la chute des corps. Alors, quelle interprétation il en fait, Gabriel Chardin, et comment il l'explique, cette accélération-là ? Il parle plutôt de mouvement naturel, c'est-à-dire de... C'est la Terre, c'est l'objet... énorme autour de nous, qui a pour vocation, d'après lui, à réattirer les corps. Donc du coup, il y a ceux qui se comportent pas comme ça, c'est-à-dire par exemple l'air chaud ou la fumée dont tu as parlé tout à l'heure. Et donc ces objets, on essaie de les classer pour essayer de prédire un début de comportement. Et en fait, plutôt que les mouvements, c'est plutôt l'arrêt du mouvement, c'est-à-dire le frottement, le fait que c'est dur de garder les objets en mouvement, qui à l'époque détermine les choses. Et petit à petit, donc, cette classification va opérer à travers le monde donc terrestre dont on a parlé, et puis les deux gros objets énormes, la Lune et le Soleil, bien que nous savons que même s'ils ont la même apparence d'un demi-degré sur le ciel, ils n'ont pas du tout la même taille. Et puis les étoiles, ce monde fixe. Et puis il y a ce côté un petit peu désagréable qu'il y en a qui se comportent pas comme les étoiles. Et donc nous, on sait que c'est des planètes, quoi. Sébastien est un expert du sujet. Et donc ces planètes, elles se comportent à peu près comme des étoiles. Il y a bon ce qu'on appelle Vénus, Mars, celle qui est un peu rouge. Mais Mars, elle a le mauvais goût de quelquefois revenir en arrière parce que elle a cette position assez proche de nous qui fait que elle a un mouvement rétrograde. Donc du coup, il faut quelque part, c'est le début de la réflexion scientifique. On a des objets qui ont un comportement relativement régulier et on essaye de trouver des lois. Sébastien Charnoz, donc sur Terre, les choses tombent. Dans cet espace parfait qui est l'espace planétaire au-delà de la Lune, comment Aristote pense que les choses se comportent ? Eh bien, donc l'idée, c'est donc... l'idée, elle est simple. Donc, on imagine... Il imagine la Terre est au centre de l'univers... Okay. Ensuite, autour de la Terre se déplace la Lune grossièrement sur un cercle. Ensuite, autour de la Terre et de la Lune se déplace le Soleil grossièrement sur un cercle. Alors, je dis grossièrement parce que, en fait, on s'est rendu compte assez vite que si on n'utilisait que des cercles, on n'arrivait pas à expliquer les observations astronomiques. Donc, le modèle a dû être, au cours de l'Antiquité, le modèle a dû être raffiné. Et ensuite, on a ensuite cette région où on a toutes les planètes, donc c'est-à-dire Mercure, Vénus, Mars, à l'époque on connaissait donc Jupiter et Saturne, dont on pouvait grossièrement décrire le déplacement avec des cercles. D'ailleurs, c'est l'origine du mot planète. Quand vous regardez le ciel la nuit, alors aujourd'hui malheureusement on ne voit plus très bien, il y a de moins en moins de gens qui l'observent, mais si vous faites bien attention, quand vous regardez le ciel la nuit, vous avez en gros les étoiles dont on va dire qu'elles sont fixes. Alors tout le monde on va nous dire mais oui mais le ciel tourne la nuit, mais ça c'est quand on dit qu'elles sont fixes, c'est qu'elles sont fixes les unes par rapport aux autres. En gros globalement les constellations ont toujours la même forme, voilà. Mais par contre ce qu'on remarque depuis très longtemps, parce que l'humanité a toujours remarqué, c'est que vous avez des points extrêmement brillants qui semblent se déplacer et traverser les constellations au cours de la nuit. Et d'ailleurs, le mot planète vient du grec planetos, qui veut dire astre errant. Voilà. Et donc, ces planètes, elles ont été identifiées très tôt. Et en fait, assez vite, on a pu comprendre leur mouvement, parce que, comme vous le disiez, elles ont un mouvement assez régulier. Et donc, dans le modèle qui a été initialement proposé par Aristote, puis ensuite amélioré par ses successeurs, ces planètes se déplacent sur des cercles, mais sous cette sphère, la sphère des étoiles. Et on en vient à cette question des successeurs, et notamment à l'un des grands successeurs d'Aristote, c'est Ptolémée. Comment lui, justement, explique cette imperfection de la circularité des orbites des planètes, et qu'est-ce qu'il introduit pour faire tenir le modèle d'Aristote? Alors, il faut savoir que donc Ptolémée, aujourd'hui on utilise le modèle de Ptolémée, mais en fait Ptolémée vient à la suite en fait d'une très longue tradition. Hein, c'est pas Ptolémée qui badaboum est apparu un jour avec son modèle, mais c'est Ptolémée qui l'a mis dans un livre qui a été transmis par les Arabes et qu'on appelle l'Almageste. On est là au 1er siècle. On est vers 140, 150, les dates. Voilà. 5 siècles après Aristote. Mais il faut savoir, c'est l'époque d'Alexandrie. Mm-hmm. À cette époque, Alexandrie était le centre intellectuel de l'Occident. Voilà. Et donc en gros, l'idée, c'est que depuis très longtemps, en fait, on fait des observations astronomiques. On a des tables astronomiques qui remontent à Babylone, vers moins 2000 et moins 3000. Et donc, depuis très longtemps, en fait, on note ce qu'on appelle les conjonctions. C'est quand, par exemple, deux planètes se rapprochent. On note les éclipses. On note les éclipses de lune, les éclipses de soleil. Donc, en fait, on a des tables astronomiques depuis très longtemps. Et l'idée, en fait, tout le but du jeu, si je puis dire de manière un petit peu triviale, ça consistait à essayer de prévoir tous ces événements astronomiques. Bon, on s'est rendu compte très vite que si on disait que toutes les planètes se déplaçaient, en gros, si on prenait le modèle d'Aristote from scratch, c'est-à-dire exactement comme Aristote lui-même le décrivait, on n'arrivait pas à expliquer proprement les éclipses de lune, les éclipses de soleil ou les événements astronomiques. Donc, ce qu'a fait Ptolémée, on s'est rendu compte qu'il fallait complexifier le modèle. Mais alors, comment complexifier le modèle tout en restant sur l'idée du cercle? L'idée, c'est d'empiler des cercles des uns sur les autres. Et donc, en fait, on a commencé à complexifier énormément la description du mouvement des planètes en disant, non, ce n'est plus un cercle, c'est des cercles qui tournent sur des cercles qui eux-mêmes tournent sur d'autres cercles et qui tournent sur d'autres cercles. Ce qu'on appelle des épicycles. Aujourd'hui, mathématiquement, pour nos auditeurs qui sont familiers avec les maths, ça pourrait s'apparenter à ce qu'on appelle, en fait, une transformée de Fourier. À l'époque, la notion n'existait pas. Mais l'idée, c'est de décrire un mouvement compliqué, en fait, comme une somme de mouvements circulaires. Cercle dans un cercle qui se reproduit. Voilà, vous imaginez un cercle qui roule sur un cercle sur un autre cercle. Et si vous empilez suffisamment de cercles, en fait, en réalité, vous pouvez quasiment décrire n'importe quel mouvement. Voilà. Mais ça a un coût extraordinaire. C'est que ce qui faisait la beauté du système initial et sa simplicité, en fait, disparaît complètement. Parce qu'il y a un moment, à force d'avoir des cercles, le modèle devient presque incalculable. Voilà. Gabriel Chardin, sur l'apport de Ptolémée et sur la pérennité de cet apport-là dans le temps. C'est un essai, et comme l'a dit Sébastien, il faut plusieurs dizaines d'épicycles, de cercles se rajoutant en cercle pour arriver à avoir une description relativement satisfaisante du mouvement des planètes. Et donc, ça semble des recettes, disons. Voilà. En fait, quand on va passer au modèle héliocentrique, c'est-à-dire donc où c'est le Soleil qui est au centre des choses, pendant longtemps, comme on veut garder cette notion de perfection, on la garde du côté du cercle, eh bien on retombe, même si le Soleil, là, qui est le gros objet local, effectivement autour de lui des objets qui sont plutôt sur des trajectoires circulaires, ça ne marche néanmoins pas non plus. Donc, C'est un apport quand même extrêmement important qui dure jusqu'au 15e, 16e siècle où là, ça commence à basculer de l'autre côté vers l'héliocentrisme qui est quand même plus satisfaisant. Et justement, l'héliocentrisme, on va y arriver. Ça, ce sont les pommes de Newton. Newton. Vous connaissez Newton, le jongleur cosmique ? France Culture. Il a vu tomber une pomme, il a dit c'est pas normal. Il a ramassé la pomme et hop, il l'a renvoyée. Mais il l'a renvoyée si haut qu'elle a échappé à l'attraction terrestre et elle s'est mise à tourner autour du globe. Eureka. Mais lui, quand il envoie la pomme, les gens rigolent pas. Hein. Ah non, ils comprennent d'un seul coup toute la gravité et le sens de l'attraction. Antoine Beauchamp. Voilà, une petite virgule personnalisée avec un sketch de Raymond Devos qui devance un petit peu notre émission puisqu'on arrivera à Newton tout à l'heure. Gabriel Chardin, vous l'évoquiez à l'instant, on se déplace progressivement. Enfin, progressivement, ça dure quand même bien 1000 ans, cette histoire du géocentrisme. Et puis, progressivement, l'homme et la Terre, sont au centre de l'univers. Mais au début du XVIe siècle, certains savants commencent à remettre en question ce modèle et notamment un certain Nicolas Copernic. C'est alors qu'apparut Nicolas Copernic, 4 siècles après Ptolémée. Avant lui, on plaçait la Terre au centre du monde, et autour de la Terre, des planètes qui gravitaient. Mercure, Vénus, le Soleil qui n'était qu'une planète, et ensuite Mars, Jupiter, Saturne, ensuite un cercle, celui des étoiles fixes, et un 9e cercle, qui était celui, comme on disait au Moyen-Âge, des bienheureux. Et Copernic renversa tout. Il plaça le Soleil au centre du monde. Et autour du Soleil, gravitant, se trouvaient Mercure, Vénus, la Terre et la Lune comme satellites. Ensuite Mars, Jupiter et Saturne. Et cela avec 3 bouts de bois. 3 bouts de bois qui constituent l'essentiel du premier instrument d'astronomie du monde, le triquètre. Avec ce triquètre, un appareil mathématique assez simple, très loin de celui dont disposent les mathématiciens astronomes d'aujourd'hui, mais aussi avec beaucoup de génie, Copernic a renversé toute l'astronomie. Copernic a renversé toute l'astronomie, une archive avec quelques imperfections que nous ne soulignerons pas forcément, Sébastien Charnoz, Gabriel Chardin, mais peut-être on peut commencer par dire ce qui a motivé Copernic à remettre en cause le système ptoléméen. Je crois qu'à l'origine c'était un problème de calendrier. Oui, alors en fait il y a plusieurs problèmes. Il y a un problème de calendrier, c'est-à-dire que effectivement, on s'est rendu compte petit à petit que le système de Ptolémée commençait à décaler par rapport aux saisons. Enfin, décaler par rapport aux saisons, ça veut dire quoi ? C'est que le système de Ptolémée prévoyait qu'on avait le solstice, prévoyait qu'on avait l'équinoxe, et on voyait bien, en fait, ça correspondait de moins en moins à ce qu'on observait. Voilà, normalement, l'équinoxe, c'est là où le jour est égal à la nuit, le solstice, c'est là où le jour ou la nuit est la plus longue, et puis donc les prévisions du modèle Ptolémée, on voyait bien que ça commençait à se décaler, et ça posait des problèmes pour la vie de tous les jours, par exemple pour l'agriculture, pour tout un tas d'activités humaines, voilà. Donc, on voyait bien, en fait, que ce modèle avait des imperfections. Mais il y avait aussi une raison aussi plus, fondamentale qui a été évoquée par Copernic lui-même, parce que le but du jeu, c'était pas non plus de faire un calendrier, hein. Et la difficulté de faire un calendrier, c'est quelque chose qui a été vu par toutes les civilisations, hein. Ça pourrait faire tout un autre sujet, les calendriers. Ptolémée lui-même, voyant en fait la complexité extraordinaire de son modèle, avait dû corrompre lui-même son idée de l'utilisation des cercles, et avait dû introduire un point qui a été très commenté en fait au Moyen-Âge, qu'il appelait le point équant ou équant dans son modèle, consistait à dire que pour bien expliquer en particulier le mouvement rétrograde de Mars, c'est-à-dire que le fait que parfois Mars au cours de l'année semble partir en arrière, en fait on devait faire une entorse à la position de la Terre au centre de l'univers en disant ah mais non, c'est pas la Terre, c'est un autre point qui est à mi-chemin. Alors, je sais plus exactement où est-ce qu'il est situé, c'est un point qu'on appelle le point équant, où la Terre elle-même se retrouve à tourner autour du point équant. Et ça a posé beaucoup de... On s'était dit, mais alors, c'est presque saper les bases du modèle de Ptolémée. Donc Copernic reprend tout ça, et Copernic, faut savoir, a travaillé complètement en secret, en fait. On a découvert le travail de Copernic uniquement qu'après sa mort. Ça, c'est complètement incroyable. Son travail a été publié de façon posthume. Aujourd'hui, on ne fait pas ça. Il n'aurait pas un H-factor, un facteur d'impact scientifique très élevé, quoi, voilà. Et... voilà, donc Copernic reprend tout ça et se pose la question, mais qu'est-ce qui se passerait si on mettait le Soleil au centre de l'univers ? Et ça avait déjà été remarqué, hein, plusieurs astronomes avant lui avaient remarqué que effectivement le Soleil jouait très clairement un rôle très particulier dans la description du modèle de chaque planète. Et donc il s'essaie à cet exercice et s'aperçoit en fait que quand on met le Soleil au centre de l'univers, et si on dit que voilà, que dans l'ordre on a Soleil, ensuite Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, on va s'arrêter là parce que les autres on les connaissait pas encore, et bien en fait il s'aperçoit que toutes ces dizaines d'éplicycles en fait disparaissent complètement et on se retrouve avec un système d'une simplicité extraordinaire avec le Soleil au centre. Et ensuite, ben les planètes qui tournent autour sur des cercles. Voilà. Et non seulement il simplifie le modèle, mais en plus il gagne en précision sur les mesures astronomiques. Et c'est ça vraiment la part de Copernic. Mais Copernic, qui avait très peur justement de l'Église, s'est bien gardé de dire c'est la vérité. Il a dit oh mais attendez, on va pas s'engueuler pour si peu. Moi je propose ça juste comme un modèle et je me garderai bien d'en interpréter les conséquences. Voilà. Gabriel Chardin, sur cet apport de Copernic dans la longue histoire de la gravité, parce que là on parle pas trop de gravité, mais peut-être que ce sera intéressant d'expliquer comment ces apports-là apportent une pierre à l'édifice de la compréhension des lois de la gravité. Effectivement, donc c'était une demande en fait de l'Église. On a peu parlé du rôle de l'Église, mais Copernic était très conscient du caractère iconoclaste par rapport. En fait, si l'Église romaine met le Christ comme un objet unique, un dieu dans l'univers, c'est la Terre qui doit être au centre de l'univers. Si on change ça, comme va essayer quelques dizaines d'années plus tard de le faire Giordano Bruno, eh bien, ça se termine mal. Ouais. Ça se termine au bûcher pour Giordano Bruno. Après un procès de 8 ans, mais il finit au bûcher. Et donc, Copernic, plus probablement son éditeur, on ne sait pas exactement, retarde et puis en font une publication posthume quand même relativement à dessein, c'est-à-dire parce que apparemment il a envoyé son manuscrit à pas mal de collègues pour avoir leur opinion, sonder un peu, voir la réaction comment est-ce que les gens considèrent si c'est juste assez anodin, une modification de la description, parce qu'aujourd'hui on pourrait le faire, on peut toujours tout décrire par des mouvements autour de la Terre si on veut, mais ça n'est pas élégant, ça n'est pas une façon unificatrice, ou est-ce que ça va déclencher une révolution, et ça il n'en veut pas, ou en tout cas il ne veut pas prendre le risque. C'est-à-dire que dans les milieux initiés, l'idée de l'héliocentrisme circule, vous le disiez, l'œuvre de Copernic et son travail paraît après sa mort, et c'est un travail qui passe relativement inaperçu. Son travail change vraiment la donne en plaçant le Soleil au centre et on s'explique pas pourquoi. Par ailleurs, les planètes n'ont pas un mouvement parfaitement circulaire et c'est pour ça qu'il faut attendre, Sébastien Charnoz, l'arrivée d'un autre grand nom des sciences, c'est Kepler. Qui était Kepler ? Kepler était un jeune astronome et mathématicien qui avait été embauché par un grand observateur du ciel qui s'appelait Tycho Brahe. Tycho Brahe était un astronome, il travaillait pour le roi du Danemark. D'ailleurs, c'était à l'époque où on faisait bien les choses, ils avaient dépensé 10% du budget de l'État pour construire un observatoire qui se trouvait au large du Danemark. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on n'en est pas loin, mais voilà. Et donc, Tycho Brahe donc avait les observations astronomiques les plus précises de son temps. Et il avait demandé donc à ce jeune mathématicien Kepler de venir travailler donc à Uranibor, qui était cet observatoire. Et Kepler, on connaissait les travaux de Copernic et avait bien compris en fait qu'il fallait lâcher la description de ptolémaïque. Mais par contre, ce qu'il avait remarqué, c'est qu'effectivement, on ne pouvait pas l'augmentation de précision des observations permettait de voir en fait que même avec toutes ses qualités, le modèle héliocentrique ne marchait pas très bien avec des planètes qui étaient supposées sur des orbites circulaires. Et c'est là où il découvre en fait que les planètes ne sont pas très exactement sur des trajectoires circulaires, mais plutôt sont sur des trajectoires elliptiques, enfin, des ovales en résumé. Voilà. Il trouve des relations mathématiques en plus. Donc ça, on commence à être vraiment à être la mathématisation du mouvement. Il trouve des relations des mathématiques entre le temps que met une planète pour tourner autour du Soleil, les distances, et donc il établit trois lois. Alors bon, qu'on trouvera dans tous les livres de physique. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que pour l'instant, il n'y a toujours pas de notion de gravité en fait derrière tout ça. On est juste dans des modèles descriptifs. On essaie de comprendre la trajectoire des corps. Voilà. Et il établit trois lois. Mais elles sont établies de manière totalement empirique, c'est-à-dire je remarque que, mais la question de quelle est l'origine de ces lois, d'où ça vient et qu'est-ce que ça signifie, ce n'est pas Kepler qui le découvre. Pour ça, il faut attendre Isaac Newton qui lui va donner en fait un sens à tout ça. Et on y viendra tout à l'heure, bien évidemment, Isaac Newton, Gabriel Chardin, sur cet apport de Kepler et sur cette autre montagne, parce que depuis tout à l'heure, on fait un peu du name dropping de grands savants sur cet apport de Kepler dans cette longue histoire de la gravitation universelle. Et donc, il va apporter le début de cette formalisation. Lui-même voit assez mal parce que c'était un prématuré. C'était donc, comme l'a dit Sébastien, Tycho Brahe qui faisait les observations. Et puis l'autre, il était un peu il avait pour mission d'essayer de comprendre la trajectoire de Mars, en fait. Et donc, il se focalise pendant des années, je ne sais plus, un peu moins d'une dizaine d'années sur Mars. Et il remarque donc que c'est extrêmement bien décrit par une ellipse. Mmh. Une ellipse, c'est, il n'y a plus un centre, il y a deux foyers. Et là, c'est la somme des distances à ces deux points qui reste constante. Si on fait ça avec une ficelle, on peut déplacer autour de ces deux foyers. Et là, tout d'un coup, ça prend un sens prédictif extraordinaire. C'est-à-dire que quand il va appliquer ça aux autres corps, il va s'apercevoir que ça a l'air d'être une généralité. Et du coup, on découvre vraiment des lois, hein, et non plus une petite description avec des recettes. C'est vraiment un apport extraordinaire. C'est ça qui est passionnant dans cette histoire de la gravitation et de la découverte de cette gravitation par Newton. On va y venir. C'est que c'est aussi toute une histoire de changement dans l'approche et dans la pratique scientifique. Gabriel Chardin. Oui, tout à fait. Le dernier apport essentiel est Newton, parce qu'on va arriver maintenant à l'outil qui permet d'itérer, c'est-à-dire on a un état et quel va être l'état suivant, et donc d'avoir le côté prédictif numérique. On découvre les lois de la science et qu'il y a en fait une description mathématique simple derrière des comportements en apparence assez compliqués. Sébastien Charnoz, vous le disiez, Kepler est un peu la dernière grande étape. Il y a Galilée également, on va en parler tout de suite après la pause, mais Kepler est un petit peu la dernière grande étape pour que les grands principes de la gravitation universelle se rassemblent avec Newton. Voilà, donc effectivement, Kepler, entre guillemets, il a poussé la description, parce qu'on n'a toujours pas des lois, attention. Enfin, on a des lois descriptives au sens, on est telle quantité, on remarque qu'elle est telle quantité, se comporte comme ceci, mais Kepler n'apporte pas d'explication. Voilà, quoi. Et donc, Kepler, c'est celui qui a poussé le plus loin possible la description du mouvement des planètes. Et là, on arrive un petit peu en butée. Pour ensuite continuer à faire un progrès, maintenant, il faut donner une explication. Et en fait, ce qui manque à Kepler, ensuite ce qui va être apporté par Galilée puis par Newton, en fait, c'est deux grandes théories. Premièrement, la théorie du mouvement des corps. Et ensuite, enfin, introduire cette fameuse nouvelle notion, la théorie de la gravité. Et restez avec nous, parce que justement, on va y arriver à Galilée, à Newton, et on va poursuivre ce voyage dans la découverte de la gravitation avec encore, toujours, je le disais, des grands noms, Galilée, Newton, et même un petit peu d'Einstein. Tomber du ciel, à travers les nuages, quel représage pour un aiguille. En plein rêve, frappé par le glaive de la sonnerie du réveil, tombé dans l'oreille d'un sourd qui venait de tomber en amour la veille d'une hôtesse de l'air fidèle, tombé du haut de la passerelle dans les bras d'un bagagier. ciel, rebelle aux louanges, chassé par les anges, du paradis originel, tombé du sommeil, perdu connaissance, retombé en enfance, au pied du grand sapin de Noël, voilé de mystère, sous mon regard. Tombé du ciel, évidemment, de Jacques Higelin à 16h30 dans Eureka sur France Culture, parce que nous vous racontons aujourd'hui en fait l'histoire de la découverte des lois de la gravitation. Et pour nous faire ce récit, nous recevons Sébastien Charnoz, professeur d'astrophysique à l'Université de Paris et à l'Institut de physique du globe de Paris également, et Gabriel Chardin, physicien, directeur de recherche CNRS au laboratoire Astroparticules et Cosmologie à l'Université de Paris, auteur de L'insoutenable gravité de l'univers aux éditions du Pommier. Juste avant la musique, juste avant Jacques Higelin, on parlait et on évoquait un autre grand nom de l'histoire des sciences qui a contribué grandement également à l'histoire de la découverte de la gravitation, c'est Galilée. Galilée, il est né au milieu du XVIe siècle à Pise. Et il apporte sa pierre à l'édifice de la gravitation en passant cette fois non plus par la seule observation, mais par également l'expérimentation, la logique. C'est bien ça, Gabriel Chardin. Qu'est-ce qu'il fait, Galilée, pour l'histoire de la gravitation? Il est un des premiers à introduire, à utiliser une lunette astronomique. Et donc, il commence à voir que le monde du ciel n'est pas si parfait que ça. Mmh. Et il voit les imperfections de la Lune, les cratères, voit les taches solaires. Petit à petit, effectivement, arrive cette idée que... ça serait bien de s'adapter au monde du ciel qui n'est plus si parfait que ça et qui probablement a des lois similaires à celles de la Terre. C'est une idée assez fondamentale qui va vraiment être rendue concrète par Newton avec sur la Terre comme au ciel, avec les mêmes lois dans le ciel que sur la Terre. Et ça, c'est vraiment une idée très très forte. Mais évidemment, ça rentre en conflit avec une certaine idée de la religion qui est que le Christ et la Terre, c'est au centre de l'univers. Et bon, le pape de l'époque est assez favorable à Galilée, donc écoute, etc. Ça se passe bien pendant un moment, et puis à un moment donné, clac, ça se durcit, et il va y avoir un procès. Ouais. Un emprisonnement également pour Galilée. Un emprisonnement assez, quand même pas trop méchant, mais la différence de ce qui se passera pour Giordano Bruno quelques années auparavant. Et donc, évidemment, il a peur, il se rend compte de ce qui peut se passer, et il va devoir renoncer partiellement à ses idées, alors qu'il est persuadé que, disons, c'est la description héliocentrique avec le soleil au milieu de l'univers, entre guillemets, hein, de l'univers local en tout cas, beaucoup plus élégant que le cas de la Terre au centre de l'univers. Sébastien Charnoz, là on parle d'observation, de théorie, il y a aussi des expériences qui sont proposées par Galilée pour mettre à l'épreuve la chute des corps. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Alors, Galilée, oui, donc... son apport, je n'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce qu'a dit Gabriel, mais je dirais que pour les sciences, son apport, il est double. Parce qu'on est toujours pour l'instant dans cette confusion entre théorie de la gravité et théorie du mouvement. Pour l'instant, à Galilée, il n'y a toujours pas d'idée de gravité. Toujours pas de gravité. Hein, voilà. Donc Galilée, déjà, il a un apport fondamental, on peut vraiment parler de science physique aujourd'hui, parce qu'il fait des expériences sur la chute des corps, il fait des expériences sur le mouvement des corps, il fait des expériences avec des horloges, donc il utilise des appareils de mesure, donc il met en place des protocoles expérimentaux qui pourraient rappeler des protocoles modernes, et la première chose qu'il établit, c'est déjà le principe d'inertie. C'est-à-dire qu'il comprend, chose que n'avait pas compris Aristote, et chose qui n'avait pas été énoncée avant, en fait, un corps a tendance naturellement à conserver son mouvement. Et c'est chose qu'on va appeler le principe d'inertie. Il établit un deuxième principe, qui semble évident, mais qui va être remis en cause de manière magistrale quelques siècles plus tard par Einstein et ses collègues, c'est le principe de relativité galiléenne, c'est la loi de composition des mouvements. Qui vous dit en gros que si vous déplacez à 100 km/h et que vous voyez une voiture vous dépasser à 10 km/h, ben par rapport à la route, elle se déplace à 110 km/h. C'est en gros les vitesses s'additionnent ou se retranchent en fonction de la manière dont vous observez la scène. Et ça, ces deux apports vont être fondamentaux pour Newton parce que ça va être au cœur de la théorie newtonienne pour comprendre la gravité. Et juste pour rajouter par rapport à ce qu'a dit Gabriel. Les observations de Galilée sont absolument fondamentales. Effectivement, Galilée comprend en fait qu'en réalité, il n'y a pas de séparation entre les lois célestes et les lois terrestres. Donc ça, c'est vraiment une révolution extraordinaire, okay, qu'on va beaucoup lui reprocher, premièrement. Et une dernière observation, je pense, qui mérite d'être mentionnée, parce qu'aujourd'hui, elle porte son nom, et qui a été aussi une révolution dans la pensée, c'est la découverte des satellites de Jupiter. Aujourd'hui, qu'on appelle d'ailleurs les satellites galiléens. Ce que découvre Galilée, c'est que Jupiter est entouré de petits objets qui ne tournent ni autour de du Soleil, ni autour de la Terre, mais qui tourne autour de Jupiter. Donc est-ce que l'univers a un centre? Et là commence à se poser la question, effectivement. Est-ce qu'au fond, c'est peut-être pas ni le ciel, ni la Terre, ni le Soleil qui est au centre de l'univers, parce que apparemment, tout peut tourner autour de tout. Donc en fait, l'univers est beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe que même la conception héliocentrique. Voilà. Vous l'évoquiez à l'instant, on n'est toujours pas arrivé à l'idée de gravité, de gravitation. Le suspense est insoutenable, mais on y arrive. On en arrive bien sûr à la star de la gravitation, à Isaac Newton. Est-ce que, Gabriel Chardin, vous pourriez nous rappeler un petit peu qui était Isaac Newton avant qu'on parle de son apport majeur pour cette compréhension de la gravitation? Isaac Newton, c'est un physicien, mais aussi beaucoup plus largement un physicien de l'époque, c'est-à-dire immergé dans son temps avec des croyances religieuses, des croyances aussi en alchimiste qui... essaye d'adapter, d'utiliser ce qu'il a vu sur les épaules des géants dont on parlait tout à l'heure, et de mettre de l'ordre dans tout ça. Et donc, il va petit à petit, avec l'aide notamment de Hooke, qui était le physicien royal, de mettre en place une méthode qui permette d'avancer dans la dynamique des systèmes, dans leur comportement au cours du temps, avec ce qui va être finalement le calcul différentiel, c'est-à-dire on prend l'état à un moment donné, on regarde les vitesses, les positions et les forces. Et donc là, la notion de force va permettre d'introduire la gravitation avec une loi simple. Et on va calculer l'état suivant et donc l'histoire qui se déroule des trajectoires des différentes planètes autour du Soleil. Et on associe souvent Newton à une légende partie de la biographie de ce scientifique écrite par William Stukeley, dont je vous propose d'écouter un extrait. Le temps devenant chaud, nous allâmes dans le jardin et nous bûmes du thé sous l'ombre de quelques pommiers, seulement lui et moi. Au cours de la conversation, il me dit qu'il s'était trouvé dans la même situation lorsque, longtemps auparavant, la notion de gravitation lui était subitement venue à l'esprit, tandis qu'il se tenait assis dans une humeur contemplative. « Pourquoi cette pomme tombe-t-elle toujours perpendiculairement au sol ?» pensa-t-il en lui-même. « Pourquoi ne tombe-t-elle pas de côté ou bien vers le haut, mais constamment vers le centre de la Terre ?» Et si la matière attire ainsi la matière, cela doit être en proportion de sa quantité. Par conséquent, la pomme attire la terre de la même façon que la terre attire la pomme. » Sébastien Charnot, cette légende de la pomme, elle a la peau dure, comme une pomme golden, ou je sais pas quelle pomme a la peau la plus dure. Dans les albums de Gottlieb. Oui, Gottlieb, on pense, pensée émue pour Gottlieb, évidemment. Avant d'en arriver, et d'aller un peu plus loin dans ce que Newton a établi sur la gravitation, est-ce qu'on pourrait avoir une idée un petit peu de comment il travaillait, de qui il s'est inspiré, pour mettre au point cette théorie-là? Alors Newton, alors de qui s'est inspiré? Je vous avouerai. Descartes, que... par exemple, je crois, a une importance non négligeable dans. Alors effectivement, alors je dirais pas qu'il s'est inspiré, mais disons que oui, il y a des héritages entre Descartes et Newton. Donc voilà, comme disait Gabriel, Newton, en fait, ce n'est qu'une partie de son œuvre, hein, cette théorie. C'est un mystique, c'est quelqu'un qui a aussi fait de l'optique. Il a soutenu la théorie ondulatoire de la lumière. C'était quelqu'un qui faisait de la magie. Aussi, voilà, c'est pas l'image, liste du scientifique moderne qui est bibliométré tous les mois par les institutions. Hein, on est dans quelque chose de beaucoup plus folklorique. Donc, Newton, c'est quelqu'un qui reprend une idée très cartésienne. Une idée cartésienne, c'est que on peut mathématiser le monde. Voilà, il se place vraiment dans cette démarche. Et ce que reprend l'idée ce que Newton reprend de l'idée de Descartes, c'est, alors ça c'est vraiment une notion toute nouvelle qui va avoir un énorme héritage en physique. C'est l'idée que pour décrire un mouvement, il faut d'abord représenter l'espace. L'idée que l'espace est quelque chose dans soi, indépendamment de la matière, ça c'est déjà une idée, c'est une idée nouvelle, mais que va complètement exploiter Newton. C'est-à-dire que depuis l'Antiquité, en gros, si vous voulez, le monde est fait de matière, quand il n'y a pas de matière, il n'y a plus rien. En résumé, on est dans le néant, dans le vide. Mais en fait, en réalité, il faut pousser le raisonnement plus loin. C'est ce que fait Newton. Même s'il n'y a pas de matière, il y a quelque chose qui reste, et c'est l'espace. Cet espace, il peut être décrit par des outils mathématiques qui sont en fait hérités de Descartes. C'est ce qu'on appelle, c'est la notion de repère. Bon, alors ça, c'est des choses qui donnent des frayeurs à des étudiants au lycée. En fait, c'est pas si compliqué que ça. L'idée, c'est que même quand il n'y a plus rien, quand il y a du vide, l'espace lui-même mérite une description. Et on peut poser des chiffres sur cet espace. On peut donner des distances, on peut donner des angles. Il y a des manières de repérer des choses. Donc Newton exploite cette idée. Ensuite, sans même parler de gravité, Newton va construire un monument de la physique, c'est ce qu'on appelle la mécanique du point et la mécanique du solide. Et en fait, il va donner la description physique du mouvement. Il va décrire toutes les lois. Il va reprendre la relativité galiléenne, il va reprendre le principe d'inertie, et il met tout ça dans une seule unique loi. On vous dit que la force est égale à la masse fois l'accélération, c'est-à-dire qui vous fait le lien en fait entre l'accélération et le mouvement. Voilà. Et aujourd'hui c'est toujours très utilisé. Ensuite, ce sera corrigé par Einstein. Voilà. Et ensuite, après, la gravité, c'est autre chose en fait. Après, fort de ce corpus mathématique sur le mouvement des corps qu'il a construit, rien que ça, ce serait déjà un énorme héritage et tout ça. Il s'est posé la question en fait du mouvement, la chute des corps. Et donc, il a travaillé Hooke. Alors là, je pense que Gabriel pourra infiniment mieux en parler que moi. Mais travaillant avec Hooke, il s'est posé la question. Il dit, voilà, si les corps chutent sur Terre, c'est qu'il doit y avoir quelque chose qui les accélère. Et il introduit la notion de force. Notion un peu mystique, une espèce d'interaction à distance magique, un peu instantanée. Voilà. Et il écrit la notion de force. Et bon, alors, il y a toute une histoire sur laquelle je vais un petit peu abréger. Mais l'idée géniale de Newton, et c'est ce que raconte l'idée en fait de la pomme, c'est qu'au fond, il unifie dans une seule et unique histoire, dans un seul et unique discours, en fait, le mouvement de la pomme qui tombe par terre et le mouvement de la Lune. Et c'est ça, en fait, ce qu'il comprend. Il dit, mais finalement, je peux décrire avec les mêmes lois le mouvement de la pomme qui tombe par terre et le mouvement des planètes dans le système solaire. Et cette loi, il va l'appeler la gravité. Et c'est cette grande unification qu'a fait Newton. C'est là, en fait, il tisse un lien entre le monde terrestre et le monde du ciel pour montrer, en fait, qu'ils sont exactement décrits par les mêmes lois. Gabriel Chardin. Et autant que je m'en souvienne, donc probablement l'histoire de la pomme est assez apocryphe, mais il y a l'histoire très guerrière de l'histoire anglaise qui est qu'il prend l'exemple du canon et il fait cette expérience quasiment de penser que si on avait un canon avec un boulet qui va de plus en plus vite, à un moment donné, le boulet, s'il n'y avait pas la fameuse force de frottement contre l'atmosphère qui gênait Aristote, hein, pour lui le mouvement n'était pas naturel, eh bien on recevrait le boulet derrière la tête après un tour complet autour de la... Et donc on a cette idée que au lieu de tomber, il tombe continuellement le boulet, et donc la lune aussi est quelque chose qui tombe continuellement. Elle est juste en train de tomber continuellement à cause de la force qu'exerce sur elle la Terre, et reste de ce fait à distance quasiment constante. Et là, on retrouve cette expression sur la Terre comme au ciel, qui est vraiment la révolution, avec en plus donc le calcul différentiel qui est donne l'expression. De la constante de gravitation, on voit le produit des masses divisé par la distance au carré, et on a vraiment une théorie très prédictive qui va être le démarrage vraiment de la physique. Et de la science moderne, on va dire, Sébastien Charnoz. Il y a cette phrase de Michelet, le poète et philosophe du XXe siècle, qui disait « Il fallait être Newton pour comprendre que la Lune tombe alors que, en fait, alors que personne ne la voit tomber ». Et ça, c'est très intéressant, et c'est ce qui est fascinant, vous le rappeliez, Gabriel Chardin, à l'instant, c'est qu'on a à la fois une révolution dans nos connaissances de la physique, mais aussi une révolution dans la pratique scientifique. Et qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Sébastien Charnoz, d'un point de vue méthode scientifique, pour ne pas faire de pub à une excellente émission pour laquelle je travaille par ailleurs, mais qu'est-ce qu'on peut dire sur le côté méthode scientifique et bouleversement pour la méthode scientifique qu'incarne Newton? Je sais pas si c'est vraiment Newton qui l'incarne, mais pour moi, Newton, il a su utiliser les outils mathématiques de son temps et les exploiter à fond, déjà, voilà. Et ce qu'a su faire Newton, c'est aussi faire preuve d'une extraordinaire originalité de pensée. Justement, d'essayer d'unifier des choses complètement différentes, unifier la pomme qui tombe par terre et la lune qui tourne autour du soleil, il fallait oser le faire. Enfin, c'est pas seulement il fallait oser, c'est pas juste qu'une histoire du courage, mais simplement il fallait avoir l'imagination, et il fallait avoir les outils mathématiques, et il fallait avoir l'esprit critique pour essayer d'unifier ça. Et effectivement, je pense que quand vous avez le cœur de la démarche scientifique, c'est l'imagination associée à l'esprit critique. Il faut aussi du courage, parce que l'esprit critique vous met souvent dans une très grande solitude, parce que l'esprit critique, il faut affronter les idées de son temps. Et voilà, donc moi je dis souvent à mes étudiants, si vous voulez être libre dans la vie, exercez votre esprit critique et ne prenez absolument jamais aucune vérité pour argent comptant. Au moins vous serez libre. Je sais pas si vous serez heureux, ça c'est encore un autre problème dans la vie, mais au moins vous serez libre, ce sera pas des vies gâchées. Le bonheur n'est peut-être pas l'affaire de la science. Gabriel Chardin, est-ce que l'esprit critique, c'est un élément essentiel de la science. Essentiel de la science, évidemment. On parle de là donc du tournant majeur qu'incarne la théorie de la gravitation universelle proposée par Newton. Est-ce que cette découverte-là et cette proposition-là est immédiatement suivie de découvertes, notamment dans le domaine de l'astronomie majeure? Est-ce qu'il y a des confirmations immédiates de cette proposition-là? Immédiates peut-être pas, mais disons, je pense que c'est vraiment le formalisme qui va permettre de comprendre toutes les trajectoires elliptiques, donc, et non pas circulaires, et perturbées un petit peu les unes par les autres, mais essentiellement par Jupiter, qui est quand même le plus gros en dehors du Soleil. Et donc, on va arriver petit à petit à quelque chose qui est quand même une démonstration de la puissance prédictive du formalisme newtonien, qui est la découverte d'une planète que l'on ne voit pas, par l'irrégularité induite des trajectoires des autres corps que l'on voit, et donc avec Le Verrier, qui était à la fois un bon calculateur et un bon observateur, qui va découvrir Neptune. Oui, tout à fait. Après, voilà, Newton. Après Newton, là, vraiment, on est dans l'ère de tous les succès de la mécanique céleste. Et le plus grand succès, effectivement, c'est la découverte de Neptune. Tout simplement parce qu'on ne comprenait pas, en fait, les irrégularités du mouvement d'Uranus. Et donc, par le calcul pur et dur... Alors, en fait, en réalité, c'est pas Le Verrier qui a fait vraiment lui-même les calculs. Hein. C'est une histoire assez triste. Hein. Au sous-sol de l'Observatoire de Paris, il y avait des dizaines de femmes, OK, qui faisaient les calculs. C'était des ordinateurs vivants. Elles étaient payées une misère. Et donc, le grand astronome descendait ses calculs. Et là, vous avez des dizaines de femmes qui faisaient les calculs à l'Observatoire de Paris. Et puis, à la fin, on compare les résultats. Voilà. Fin de la parenthèse. Ce que permet aussi de comprendre, et c'est là où on voit en fait la différence entre l'approche de Kepler et l'approche de Newton, c'est que Kepler a découvert ses lois sans en donner d'explication, mais avec Newton, on a maintenant une théorie de la gravité. Mmh. Et en fait, Newton nous dit, bah oui, maintenant je comprends ce que signifient les lois de Kepler. Voilà. Et en fait, il arrive à redémontrer les lois de Kepler, mais la différence entre Kepler et Newton, c'est que Kepler ne comprend pas ces lois, leur sens, mais Newton nous dit, bah oui, ça, c'est l'action de la gravité. La gravité agit comme si c'est comme cela. Et dans cette action de la gravité qui vous donne le mouvement des planètes, vous retrouvez la trajectoire aussi de la pomme qui tombe par terre. Alors, depuis tout à l'heure, on chante les louanges d'Isaac Newton, et à juste titre, mais à partir de cette théorie-là, est-ce que tous les problèmes sont réglés? Est-ce qu'il n'y a pas encore quelques petits points qui clochent et qui résistent à la théorie newtonienne? Je pense par exemple à Mercure, à sa trajectoire, Sébastien Charnoz. Alors, donc tout à l'heure on disait qu'on avait découvert Neptune en essayant d'expliquer la trajectoire d'Uranus qui avait des irrégularités, et Mercure aussi, on n'arrivait pas à comprendre sa trajectoire, il y a des petites irrégularités qu'on ne comprenait pas. Donc on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas, on va essayer de recommencer l'exercice pour Neptune, on va essayer, doit y avoir une planète qu'on n'a pas trouvée qui expliquait la trajectoire de Mercure. Alors on était tellement sûr que c'était ça, qu'on lui avait déjà donné un nom avant même de l'avoir découverte, cette planète, on va l'appeler Vulcain. Vulcain, c'est chaud, le soleil c'est pas loin, okay, voilà. Et genre, on l'a jamais trouvé, et ça c'était vraiment un point qui résistait à toute la théorie newtonienne. Et vraiment, il y avait de très légères différences entre trajectoire de Mercure qu'on n'a jamais trouvé. Et il faut attendre, bah, en fait, un siècle à peu près, pour comprendre la trajectoire de Mercure, mais ça passe par une révolution de fond en comble de la pensée scientifique, c'est la découverte de la théorie de la relativité générale, par Albert Einstein, qui est en soi, en fait, toute une histoire aussi extraordinaire que tout le reste. Eh ben, on peut peut-être l'évoquer. Il nous reste 5 petites minutes. C'est toujours triste de devoir réduire Albert Einstein à 5 minutes d'émission, mais on y a consacré sur France Culture pas mal d'émissions. Gabriel Chardin, justement, comment Albert Einstein s'incarne, se met dans les pas d'Isaac Newton, mais en même temps remet en question cette théorie de la gravitation? En fait, donc, Einstein... Il vient de travailler sur la relativité restreinte, c'est-à-dire qui donne une bonne théorie, si on veut, de l'électromagnétisme, où il y a une vitesse de la lumière qui est la même pour tout le monde. Et son rêve, c'est de se dire, mais quand même, il y a la gravitation à côté, je voudrais une théorie qui soit qui incorpore les deux. Et donc il va se battre pendant une douzaine d'années pour essayer de construire une théorie, et il va arriver à l'idée qu'en fait, on parlait tout à l'heure de cette fameuse phrase, il fallait le génie du Newton pour voir que la Lune tombe alors que tout le monde voit qu'elle ne tombe pas, c'est-à-dire qu'elle reste à distance. Et Wheeler ajoutait, il fallait le génie d'Einstein pour voir que la Lune ne tombe pas alors que tout le monde voit qu'elle tombe. C'était une façon très ironique de montrer le deuxième renversement, quelque part, introduit par Einstein, qui est de dire que la gravitation n'est pas une force, mais une non-force. Les corps vont en fait tout droit dans un espace qui est dans un espace-temps, en fait. C'est ça, là aussi, la grande force d'Einstein, dans un espace-temps qui est modelé par les corps et par les corps qui sont à l'intérieur. Et donc ça, c'est une théorie qu'on n'a pas encore réussi à rendre quantique, donc qui n'est pas tout à fait achevée non plus, d'une certaine façon, tant mieux, mais qui est l'immense apport d'Einstein par rapport à la relativité restreinte, qui était beaucoup plus partagée dans l'air du temps, avec tout le travail de Maxwell, de Lorentz et d'autres. Sébastien Charnoz, sur ce rôle majeur d'Albert Einstein dans la filiation avec Isaac Newton. Justement, j'ai pas grand chose à rajouter par rapport à ce qu'a dit Gabriel. C'est sûr que Einstein, Isaac Newton a introduit cette notion qui est très utile, qui est très pratique, qu'on utilise tous, et même moi dans mes travaux, j'utilise tous les jours, qui est la notion de force. Mais en fait, ce que montre Einstein, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de la notion de force. Mais il renverse complètement le problème en disant, au fond, l'idée de la force, c'est qu'il y a des forces qui agissent et qui modifient les trajectoires. L'idée d'Einstein, ça consiste à dire, non, en fait, en réalité, il n'y a plus de force. Tout le monde se déplace d'une certaine manière en ligne droite. Alors, c'est ligne droite, par exemple, on est ligne droite, on va appeler ça plutôt des géodésiques. C'est des courbes qui ont des certaines propriétés mathématiques. Donc, la Lune se déplace sur une géodésique, ok, mais dans un espace-temps qui n'est, dans un espace-temps qui, en fait, est incurvé. Et cette ligne droite dans un espace-temps qui est incurvé semble, effectivement, décrire un cercle. Et donc, et là, on peut rebondir sur Descartes. Ce que remet Einstein au centre de la physique, en fait, c'est cette notion, en fait, de l'espace-temps. C'est-à-dire que, c'est toujours pareil, en l'absence de matière, il y a cette espèce de continuum qui occupe tout l'univers, qui est l'espace-temps. Mais Einstein lui donne une forme, Einstein lui donne une structure et Einstein lui donne une description mathématique et l'apport extraordinaire d'Einstein, c'est de montrer que cet espace-temps, c'est pas comme chez Newton, l'espace-temps, c'est un peu genre la pièce de théâtre sur laquelle se joue le drame du monde. Chez Einstein, pas du tout. L'espace-temps est quelque chose de dynamique qui se transforme au fur et à mesure que, si je puis dire, les acteurs entrent sur scène. Et ça, c'est un renversement conceptuel complet des sciences. Une fois de plus, c'est le chamboulement complet. Mais comme disait le Gabriel, aujourd'hui, alors la relativité générale, au début, on s'en sert tous les jours. Hein, vous avez la relativité générale dans vos GPS pour vous faire livrer des pizzas, c'est ce qu'on disait au début du truc, de l'émission. Mais le grand problème de la relativité générale, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les sciences sont schizophrènes. Les sciences sont divisées en deux grandes descriptions du monde, la mécanique quantique d'un côté, la relativité générale. La relativité générale pour les grandes structures et la mécanique quantique pour les petites structures. Normalement, en théorie, elles devraient se rejoindre parce que les deux décrivent le monde, mais elles ne se rejoignent pas. L'une semble complètement ignorer l'autre et l'autre semble complètement ignorer l'une. Et le grand effort aujourd'hui de la science, en fait, une des questions peut-être les plus fondamentales de la science aujourd'hui, c'est d'unifier la mécanique quantique et la relativité générale. Il y a beaucoup d'efforts dans ce sens, mais Gabriel, en parlant mieux que moi, je ne suis pas du tout un spécialiste. Gabriel Chardin, pour conclure. Ah, ça, c'est une question qui est encore ouverte. L'avantage que l'on a, c'est que il y a beaucoup plus de gens qui travaillent sur les notions où il y avait un tout petit monde avec Newton, Hooke et quelques observateurs. Donc maintenant, c'est il y a des grands programmes d'observation, on observe des millions de galaxies, la diversité des mondes n'a plus aucun doute secret, oui, on a découvert des milliers d'exoplanètes, et donc cette très très grande accélération des connaissances fait que on essaye de comprendre le monde avec cette cosmologie qui, pour le moment, est dans un état quand même pas tellement satisfaisant. Ce qu'on appelle le modèle standard est quand même un objet un peu bizarre avec 95% de l'univers qui n'est pas détecté. Matière noire, énergie noire, c'est quand même pas très satisfaisant. Et donc, on est une période un peu charnière. Où on essaye probablement de comprendre le lien entre cet univers quantique et cet univers classique d'Einstein. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux, Sébastien Charnoz, Gabriel Chardin, de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure pour nous raconter cette longue et passionnante histoire de la découverte de la gravité. Et comme tous les jours, on se quitte en musique avec aujourd'hui Flavien Berger, Gravité. Un grand merci à toute l'équipe de Reka, Alexandra Delbo, Mariam Ibrahim, Tom Dunstock, Antonin Amberger, à la réalisation Milena Ellig, à la technique aujourd'hui Florent Bujon. Je rappelle que vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. Demain à 16h, nous ferons un voyage dans le microcosmos puisque nous vous raconterons l'histoire de l'invention du microscope. Mais d'ici là, n'oubliez pas, tout reste à découvrir. Oh chérie, tu sais, je n'attendais que la lune, je suis sous, tu m'allumes et j'aime bien. la pluie, j'attendrai que l'amour inverse la gravité. France Culture. L'esprit d'ouverture.